Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Oh vous les gens, le suivi des passions est la cause de la décadence sur terre. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Ils ne font en réalité que suivre des suppositions et les aspirations de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Ils ne reconnaissent aucun bien, ni ne condamnent le mal, sauf pour ce qui aura correspondu à leur désir passionnel. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. En conclusion, tout ce qui entrera dans la tête de celui qui agit sous l'emprise de ses passions et de ses instincts, il le considère comme étant vérité. En revanche, tout ce qui ne lui conviendra pas et contredira ses envies et ses désirs, il le considère comme faux. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Ainsi, ce genre de personne n'acceptera que ce qui satisfera ses passions, quoi qu'il en soit. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Les gens des passions, ceux qui suivent leurs passions, ceux qui sont esclaves de leurs passions, ces gens qui sont voués à la perdition. Sermon numéro 18, Ittiba'ul Hawa, le suivi des passions. Donc oppose-toi à tes passions, oppose-toi à tes passions, ô toi l'être humain, contredis-les, car les passions ordonnent de faire le mal. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toutes les louanges sont à Allah, nous le louons. Implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre, le Coran, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Nous lui avons clairement montré les deux chemins, celui de la vérité et celui du faux. Soit il en est reconnaissant, ou soit il en est ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit dans son livre, exposant de manière très explicite qu'il éprouve ses serviteurs, les êtres humains, et qu'il ne cesse de les tester dans cette vie d'ici-bas. Il y en a ainsi parmi eux qui sont reconnaissants des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla et d'autres qui en sont ingrats. Et il nous a également expliqué que de nombreuses communautés ont péri à cause de leur rejet de la vérité lorsque celle-ci leur était parvenue. Il a dit subhanahu wa ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Nous avons certes donné à Moussa, Moïse, le livre, et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des miracles à عيسى ابن مريم, Jésus fils de Marie, et l'avons renforcé du Saint-Esprit, l'ange Djibril, Gabriel. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires au désir de vos âmes, vous enfliez d'orgueil, ô vous les gens du livre, vous traitiez alors certains de ces prophètes d'imposteurs et vous en tuiez d'autres? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ainsi informé que les meurtres des messagers d'Allah n'ont été commis qu'à cause du suivi des passions, et que les Banu Israël, le peuple de Moussa alayhi salam, n'ont désobéi à leurs prophètes et ne se sont enorgueillis qu'après que leurs passions s'étaient opposées au commandement de ces derniers. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala informa au sujet de ces peuplades que la raison de leur anéantissement et la cause de leur aveuglement et de leur assourdissement était le suivi de leur passion. Comme Allah azza wa jalla a dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Et il en est parmi les mécréants qui t'écoutent. Mais une fois sortis de chez toi, ils vont dire à leurs savants, qu'a-t-il voulu dire? Voilà ce dont Allah a scellé leur cœur et qui suivent leur passion. Allah avait donc scellé le cœur des Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub, c'est-à-dire Joseph, les juifs et les chrétiens, car ceux-là avaient suivi leur passion. Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Et si tu apportait à ceux à qui le livre a été donné, les juifs et les chrétiens, toutes les preuves, ils ne suivraient pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur, et même entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu comme science, tu seras certes du nombre des injustes. Il ne restait donc plus au Banu Israël, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, que de suivre leur passion. Allah mit ainsi en garde son prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet agissement, de même que contre ceux des polythéistes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Nous avions très certainement pris auparavant l'engagement des enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens, et leur avions envoyé des messagers, mais à chaque fois qu'un messager leur était venu avec ceux qui s'opposaient à leurs désirs et leurs passions, ils en traitèrent certains à leurs menteurs et en tuèrent d'autres, et ils pensaient qu'ils ne seraient jamais sanctionnés pour cela. Ils ont ainsi été rendus aveugles et sourds. Puis Allah a accueilli leur repentir. Mais beaucoup d'entre eux redevinrent après cela aveugles et sourds. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé dans son livre les mauvaises conséquences et les dommages que causent les passions. Et il a dit à l'un de ses prophètes: Ya Daoud, inna ja'annaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah, innal ladhina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Ô Daoud, c'est-à-dire David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc entre les gens en toute équité, et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareront du droit chemin. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour du règlement des comptes. Daoud, sallallahu alayhi wa sallam, un prophète parmi les prophètes d'Allah, Allah le mit ainsi en garde à travers sa parole: Ya Daoud, inna ja'annaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah, innal ladhina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre, juge donc entre les gens en toute équité, et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour du règlement des comptes. Donc prenez garde vous les gens contre les passions, car les passions égarent et les passions rendent aveugles, de même qu'elles rendent sourds. Et notre Seigneur Azza wa Jalla a dit dans son noble livre indiquant les dégâts des passions, et que celles-ci sont la cause de la perte des gens: Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. L'heure de la fin des temps approche certainement, et je la cache à peine cela, afin que chaque âme sera rétribuée selon ses actes. Donc que celui qui n'y croit pas et qui suit ses passions ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Tu courras ainsi à ta perte si tu t'éloignes et t'opposes aux gens pieux pour aller plutôt fréquenter les gens qui doutent. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Donc que celui qui n'y croit pas et qui suit ses passions ne te détourne de la vérité, sinon tu périras. Et il a aussi dit Azza wa Jalla, exemptant de cette affaire son prophète: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il n'y a aucun doute que sa parole, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est dénuée de toute fausseté et de toute passion, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été prémuni de cela. Et Allah azza wa jalla a apparemment dit: Iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. L'heure de la fin des temps approche et la lune s'est fendue, et lorsque lorsqu'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « ce n'est que de la magie persistante ». Et ils traitent de mensonges ce avec quoi le prophète est venu et ne suivent que leur passion. Or, chaque chose arrivera à son terme. Puis il a dit après cela « قُلْ اِنْدُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرْ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » dit « regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Les polythéistes sont donc des mécréants. Ils n'ont tiré aucun profit de tous ces signes. Tout cela à cause de leur passion. Ils n'ont ainsi pas profité de toutes ces preuves. Oh vous les gens, le suivi des passions est la cause de la décadence sur terre. Allah Azza wa Jalla a dit « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ فِي الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions montré nos signes et qui s'en détourna, puis que Shaitan, le diable, entraîna et qui devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes signes, mais il se détourna et opta pour la vie terrestre, matérielle, comme s'il était immortel, et il suivit ses passions. Celui-là est semblable à un chien qui reste sans réaction, la gueule ouverte et la langue pendue, qu'il soit traqué ou non. Tel est l'exemple de ceux qui traitent de mensonges nos signes. Raconte-leur donc ce récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que celui de ces gens qui traitent de mensonges nos versets, cependant que ces derniers ne font de tort qu'à eux-mêmes. Et quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Quant à ceux qui l'égarent, ceux-là sont les perdants. Ô serviteur d'Allah, certes celui qui se sera opposé au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à son obéissance, il ne lui restera plus que ses passions. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a ahwa'ahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Et s'ils te désobéissent, sache alors qu'ils ne suivent que leurs passions et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune guidée émanant d'Allah. Vraiment, Allah ne guide pas les gens injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَ فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Vois-tu celui qui prend sa passion et son instinct comme divinité et qu'à cause de cela Allah l'égare sciemment et celle son nuit son cœur et étant un voile sur sa vue, qui donc peut-il le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Personne n'est capable de guider ce genre de personne parfaitement. Les gens des passions, ceux qui suivent leurs passions, ceux qui sont esclaves de leurs passions, ces gens qui sont voués à la perdition, comme Allah nous en a informé à leur sujet dans son livre. Et Allah nous a certes ordonné de délaisser les passions. Il a en effet dit subhanahu wa ta'ala فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Donc appelle les gens à la vraie religion et maintiens-toi sur le droit chemin comme il t'a été commandé et ne suis pas leur passion et proclame je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre saint et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous les vôtres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous recoupera certainement tous le jour de la résurrection. Et c'est vers lui qu'est la destination finale. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Donc est-ce que cette communauté, à savoir les musulmans, suit les pas de celles qui l'ont précédé parmi les communautés de mécréants et de polythéistes, celles qui suivirent leur passion sans aucune preuve provenant d'Allah ni argument venant de lui? Si tel est le cas, cela serait fortement condamnable, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, recherchez protection d'Allah contre ceci, comme cela a été rapporté dans le récit de Urba ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô Seigneur, préserve-moi du mauvais comportement, des mauvaises œuvres et du mal des passions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait ainsi la protection d'Allah contre ces trois choses citées dans ce récit, et il craignait également pour nous qu'elles nous atteignent. Il a en effet été rapporté par Ibn Abi Asim et Ahmed dans son Musnad, son recueil de récits, d'après le récit de Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce que je crains pour vous après ma mort, il y a ce que votre faim et vos désirs charnels vous pousseront à accomplir, et les égarements de vos passions. Voilà donc trois choses dont a fait peur pour nous le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et par Allah elles mènent bel et bien à la perdition. Et dans un autre récit, deux loups affamés envoyés vers un troupeau de bétail ne sont pas plus dévastateurs que ne l'est l'être humain pour sa religion lorsque celui-ci court après la célébrité et l'argent. Ce récit est sensiblement du même sens que le précédent, que ce sont ces choses qui sont à l'origine de la perte de l'homme, et que c'est de cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour nous, à savoir la faim, les désirs charnels et les égarements des passions. Et du même ordre aussi, le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il a été décrété à chaque personne sa part de fornication, qu'il accomplira quoi qu'il arrive, car les yeux forniquent et leur fornication est le regard, et les mains forniquent et leur fornication est le toucher, et les oreilles forniquent et leur fornication est l'écoute, et l'âme se précipite et espère, tandis que le cœur confirme se penchant ou le dément. Donc prenez garde et faites bien attention aux égarements des passions. Prenez garde aussi contre les déviances des ardeurs charnelles et de la faim. Et combien de gens sont tombés dans ces déviances à cause de leur manque de patience face à la pauvreté et autres. Nous nous devons ainsi tous de craindre Allah et aux serviteurs d'Allah. Nous nous devons également d'être sur nos gardes quant à ce qui a causé la perdition et l'anéantissement de toutes ces communautés antérieures. Allah Azza wa Jalla a dit, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en désirant les artifices et les plaisirs de ce bas monde, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et qui baigne dans l'excès et la perdition. Allah Azza wa Jalla a aussi dit, Afara'aytumul Lat wal 'Uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'a من ربهم الهدى. N'avez-vous pas vu Al-Lat ou Al-Uzza, ces choses que les gens prennent comme divinité en dehors d'Allah, de même que Mana, la troisième d'entre elles? Vous serait-il accordé des garçons tandis qu'Allah aurait des filles, allusion faite aux anges? Voilà bien là une injuste répartition. Ce ne sont en réalité que des noms inventés que vous leur avez donnés, vous et vos ancêtres, au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ils ne font en réalité que suivre des suppositions et les aspirations de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Regarde comment Allah a blâmé les polythéistes à cause de leur agissement en opposition avec la vérité, et que c'est pour cette raison qu'il ne leur restait plus que leur passion, alors qu'il leur était parvenu de la part de leur Seigneur la guidée. Malgré cela, leur passion les avait aveuglés et assourdis, car il a certes été authentiquement rapporté dans le récit de Hudhayfa radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les troubles sont exposés au cœur tel un tapis de paille tissé, paille après paille. Chaque cœur qui les aura absorbés et aura été embarqué dans ces troubles, il lui sera écrit sur son cœur un point noir. Par contre, chaque cœur qui les aura rejetés et qui s'en sera éloigné, préservé, il lui sera écrit sur son cœur un point blanc. Cela jusqu'à ce que les cœurs soient de deux types. Le premier, les cœurs blancs, pareil à une roche lisse auquel ces troubles ne causeront jamais de préjudice. Et le second, les cœurs noirs, opaques, tels des épis de maïs qui sortent de leur rectitude verticale mal et penche vers le sol, qui ne reconnaissent aucune bienfaisance, ni ne condamnent le blâmable, excepté ce qui aura convenu à leur passion. Je demande donc refuge auprès d'Allah contre les passions, car celles-ci aveuglent les gens et les rendent sourds, même face à la vérité. Ils ne reconnaissent aucun bien, ni ne condamnent le mal, sauf pour ce qui aura correspondu à leur désir passionnel. En conclusion, tout ce qui entrera dans la tête de celui qui agit sous l'emprise de ses passions et de ses instincts, il le considère comme étant vérité. En revanche, tout ce qui ne lui conviendra pas et contredira ses envies et ses désirs, il le considère comme faux. Ainsi, ce genre de personne n'acceptera que ce qui satisfera ses passions, quoi qu'il en soit. Nous demandons à Allah de nous préserver de ce mal. Et Allah, Azza wa Jalla, a dit dans son noble livre, le Coran, à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr, fattabi'ha, wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, innahum la yu'nu anka min Allah shay'a, wa inna al-zalimina ba'duhum awliya'u ba'd, wa Allahu waliyul muttaqin. » Puis nous t'avons mis sur la voie droite, selon notre ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité face à Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Et Allah Azza wa Jalla a également dit dans son livre saint, « وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاةِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَيْنًا نَصِيرًا. » Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Nous t'aurions alors certainement fait goûter doublement le supplice de la vie d'ici-bas ainsi que celui de la mort. Tu n'aurais ensuite trouvé aucun secoureur contre nous. Allah a ainsi mis en garde dans ses versets tirés du Coran son prophète dans le but que ce dernier se prémunisse contre ce mal, qu'il se maintienne sur ce sur quoi Allah l'a établi comme da'wah, pratique religieuse et bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes évoqué un certain nombre de prophètes dans la sourate Al-An'am, et il a informé que si ces derniers se seraient opposés à la vérité, leurs œuvres auraient été vaines. Il a ainsi dit, Azza wa Jalla, walau ashraku la habida anhum makanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient accompli comme bonne œuvre eût certainement été vain. Le shirk, le polythéisme, le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah, les bidars, les innovations religieuses, ainsi que les fables et les divagations, de même que les envies et les désirs des âmes qui incitent au mal, toutes ces choses font partie des préjudices qu'engendrent les troubles. Et tout cela est dû aux passions. Donc oppose-toi à tes passions. Oppose-toi à tes passions, ô-toi l'être humain, contredis-les, car les passions ordonnent de faire le mal. Et elles leur commandent la médisance et la calomnie, et elles leur joignent de se révolter et de s'insurger face à la vérité, de même qu'elle les somme de s'enorgueillir, et elle les entraîne également vers le blâmable et tout acte répréhensible. Par Allah, les versets précédemment cités sont des plus clairs et des plus explicites à ce sujet. Et dans le récit de Na'im radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, excepté l'un d'entre ces groupes. Et dans une autre version de ce récit, les compagnons dirent, et quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Il dit, ceux qui seront sur ce sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Car il y aura certainement dans cette communauté des gens, dans les veines desquels les passions circuleront, comme circule la maladie de la rage, dans les veines de celui qu'un chien enragé aura mordu, ne délaissant ainsi aucune artère ni articulation sans qu'elle n'y circule. Et c'est ce dernier passage qui nous intéresse ici dans ce récit. Et il est également évoqué dans le récit de Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhum, ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le véridique quand il en croit, qu'il viendra dans cette communauté des gens qui suivront leur passion, qui seront esclaves de leur passion et seront dirigés par elle, et qui n'agiront que selon ses commandements, non pas selon les preuves scientifiques et la vérité tirée du Coran et de la Sunna, la tradition prophétique, et tout ce que l'on voit actuellement comme agissement de la part des gens des passions, de même que des gens égarés. Tout ceci ne fait que confirmer ce qui a été évoqué dans le récit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précédemment cité. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala khayri khalqillahi ajma'in amma ba'd. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur les meilleures des créatures d'Allah. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et s'ils ne t'obéissent pas, sache alors qu'ils ne font que suivre leur passion. Et il a dit aussi, عَزَّ وَجَلَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُشْرَفُونَ. Qu'y a-t-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement? Comment pouvez-vous alors vous en détourner? Ils n'ont avec eux que leur passion. Donc le contentement aux serviteurs d'Allah. Il faut se contenter de cette méthodologie que suivaient nos pieux prédécesseurs, radiallahu anhum, avant nous, celle des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dont se réfèrent tous salafis. Car par Allah, les gens qui se sont égarés du droit chemin n'ont pas désiré un autre cheminement que celui du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, et n'ont pas souhaité une méthodologie autre que celle des pieux prédécesseurs, si ce n'est par passion, suite à une ambiguïté concernant la religion ou à cause d'une convoitise matérielle. Et sache, serviteur d'Allah, qu'il n'y a pas une époque sans que celle qui la suit ne soit pas pire que la précédente, jusqu'à ce que tu rencontreras ton Seigneur. Il ne se passe pas une année sans que les passions ne déferlent encore plus sur les gens, tel un fleuve qui se répand sur eux. Ils tombent alors les uns après les autres à cause de leur passion qui les fait s'opposer à la vérité, soit à travers une équivoque relative à la pratique du culte, ou soit par le biais d'un bien de ce bas monde qui leur a convoité. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah Azza wa Jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. N'aie donc aucun regret à leur sujet. Allah est parfaitement savant de ce qu'ils font. فَذَكِّرْ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Rappelle donc, tu ne fais que rappeler aux gens et tu n'es pas pour eux un imposeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Tu éprouveras peut-être du chagrin s'ils se détournent de toi et ne croient pas en ton message. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par un autre peuple qui ne seront pas comme vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ô vous les hommes, c'est vous qui êtes indigents et qui avez besoin d'Allah, tandis que c'est Allah qui se passe de tout et qui est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait tous disparaître et ferait surgir de nouvelles créatures. Donc rappelle-toi sans cesse que tu rencontreras ton Seigneur et que tu te présenteras à lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَيُظْلَمُونَ. Le jour où chaque âme viendra et ne défendra que sa propre personne, plaidant pour elle-même, et que chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sur terre sans subir la moindre injustice. De même qu'il a dit سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une très longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et Allah est compatissant envers ses serviteur. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. A certes réussi celui qui aura purifié son âme, et aura certes perdu celui qui l'aura corrompu. Aura certainement et réussi celui qui la purifie avec la crainte d'Allah. Mais quant à celui qui la corrompe à travers les péchés, les innovations religieuses et les égarements, ou à cause de la convoitise de biens matériels et mondains, celui-là aura assurément perdu. Allah a dit: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Dis-leur, toi Muhammad, la jouissance d'ici-bas est assurément éphémère, tandis que la vie future est meilleure pour quiconque craint son Seigneur, et vous ne serez point lésés, fût-ce du poids d'un brin de noix de date. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de son épouse et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, ne sera occupé que de son propre cas. Allah Azza wa Jalla a dit « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, wakhshaw yawman, la yajzi walidun an waladihi, wa la mawludun, huwa jazin an walidihi shay'a, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum alhayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi algharur, inna Allah indahu ilmus sa'a, wa yunazzilu alghaytha, wa ya'lamu ma fil arhami, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi'ay ardin tamut, inna Allah alimun khabir. » Ô vous les gens, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le Père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son Père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur Shaytan ne vous induise en erreur au sujet d'Allah. La connaissance de l'heure de la fin des temps n'est connue que d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans le ventre des femmes enceintes, garçons ou filles, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait où il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Qu'en sais-tu de ce qu'il reste comme distance entre toi et le paradis ou l'enfer? Car tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu es ainsi en voyage dans cette vie d'ici-bas, et tu t'avances et tu t'apprêtes en réalité à vivre très prochainement des événements grandioses et terribles après ta mort. Rien à ce moment ne te sera profitable et utile, si ce n'est tes bonnes actions que tu auras accomplies de ton vivant. Donc nous nous devons de craindre Allah Azza wa Jalla concernant nos enfants, nos familles, notre propre personne, au sujet de l'apprentissage de notre religion, nos croyances et notre foi, ainsi que dans la da'wah, l'appel à l'islam et la patience. Et nous nous devons également de rester fermes dans notre attachement au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: walladhina yumassikuna bil kitab wa aqamu s-salat inna la nudhi'u ajra al-muslihin. Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salat, la prière, nous ne laissons certes pas perdre la récompense de ceux qui se réforment. Walhamdulillahi rabbil alamin.